Chapitre 14. Puis je regardai, et je vis l'agneau qui se tenait sur le mont Sion. Avec lui se trouvaient 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes chutes d'eau, comme un fort coup de tonnerre. La voix que j'entendis était semblable au son produit par des harpistes quand ils jouent de la harpe. Ces milliers de gens se tenaient devant le trône, devant les quatre êtres vivants et devant les anciens, et ils chantaient un cantique nouveau. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes, ils se sont gardés purs. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts les premiers à Dieu et à l'agneau. On ne les a jamais entendus prononcer un mensonge. Ils sont sans défaut. Puis je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger les hommes. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un deuxième ange suivit le premier en disant, « elle est tombée, la grande Babylone. Elle a fait boire son vin à toutes les nations, le vin de sa terrible immoralité. » Un troisième ange suivit les deux premiers en disant d'une voix forte, « Celui qui adore la bête et son image et en reçoit la marque sur le front ou sur la main, boira lui-même le vin de Dieu, le vin de sa fureur qu'il a versé pur dans la coupe de sa colère. Tous ceux qui agissent ainsi seront tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée du feu qui les tourmente s'élève pour toujours. Il n'y a pas de repos, ni le jour ni la nuit, pour ceux qui ont adoré la bête et son image, et pour quiconque a reçu la marque de son nom. » Voilà pourquoi les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent à ses commandements et qui sont fidèles à Jésus, doivent faire preuve de patience. Puis, j'entendis une voix me dire du ciel, « Écris ceci, heureux les morts qui dès maintenant meurent au service du Seigneur. » « Oui, c'est vrai, déclare l'Esprit, ils pourront se reposer de leurs durs travaux, car le bien qu'ils ont accompli les accompagne. » Je regardai encore, et je vis un nuage blanc, et sur ce nuage était assis un être semblable à un homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur le nuage, « Emploie ta faucille et moissonne, car le moment de moissonner est arrivé. La terre est mûre pour la moisson. » Alors, celui qui était assis sur le nuage fit passer sa faucille sur la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille tranchante. Un autre ange encore, qui a autorité sur le feu, vint de l'autel. Il cria d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, « Emploie ta faucille et coupe les grappes de la vigne de la terre, car leurs raisins sont mûrs. » L'ange fit alors passer sa faucille sur la terre, coupa les grappes de la vigne de la terre et les jeta dans le pressoir à raisins de la grande colère de Dieu. On écrasa les raisins dans le pressoir hors de la ville. Du pressoir sortirent des flots de sang qui s'étendirent sur 300 kilomètres avec une profondeur d'environ 1,50 m.